Aujourd'hui, au Grain de sable, nous recevons Mme Marie-Joëlle Brassard, directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération de la mutualité en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Nicole Moreau, spécialiste de notre chroniqueuse spécialiste de l'aspect de l'économie sociale en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous et re-bienvenue à cette nouvelle saison du Grain de sable d'Attaque Québec. Alors, on ne sait plus pour combienième d'années. Je crois que c'est la 12e ou la 13e année. Alors, c'est Valérie Blouin qui vous parle aujourd'hui. Je suis très contente d'être à nouveau de retour avec vous. Alors, l'équipe est toute bien heureuse de reprendre le micro pour un été qui fut beau, mais aussi très fertile en événements politiques. Alors, comme par les années passées, nous aurons des collaborateurs réguliers et des invités. Alors, sur divers sujets touchant l'économie et la société. Alors, je vous rappelle qu'on est un magazine socio-économique, si c'est la première fois que vous nous écoutez. Alors, on parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par les membres le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, donc on connaît sous le nom d'Attaque Québec. Alors, côté collaboration régulière, cette année, nous retrouvons Nicole Moreau cette semaine, donc spécialiste d'économie sociale, et nous aurons aussi notre correspondant en Belgique, Cédric Leterme, également Renaud Blais et ainsi que Robert Jasmin. Alors aujourd'hui, nous débutons l'émission avec Mme Joëlle Brassard, alors notre invitée du jour, directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Il sera entre autres question du sommet international 2012 des coopératives qui a lieu dans notre ville, donc la ville de Québec, du 8 au 11 octobre prochain. Ensuite, en deuxième partie d'émission, ce sera la chronique de Nicole Moreau. Alors tout ceci après une première pièce musicale sur le zone de CKRL. On écoute Plantation du groupe Trio. À tout de suite! Je viens de m'acheter un petit lopin de terre pour pouvoir faire planter. La terre à Dakar est super. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes toujours pas poussé. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes toujours pas poussé. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté concombre. Concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. Moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté canard. Canard sucre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté des nanas. Alors voilà, c'était donc Trio dans la pièce Plantation. Alors vous écoutez présentement Le Grain de Sable, Le Grain de Sable avec Valérie Blouin et son équipe pour la prochaine heure jusqu'à 13h. Alors on reçoit aujourd'hui Madame Marie-Joëlle Brassard. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue à CKRL. Et la pièce musicale que nous écoutions, ben ça évoque un peu les plantations africaines, mais on aurait pu choisir plein d'autres régions où cette réalité existe, donc dans le monde. Et je fais un lien dans le fond parce qu'à Québec, Québec sera l'hôte du 8 au 11 octobre du Sommet international 2012 des coopératives. Et le thème cette année, c'est l'étonnant pouvoir des coopératives. Donc, le thème de ce sommet. Et 2012 est une année particulière puisque c'est encore pour quelques mois, donc l'année internationale des coopératives. Peut-être dans un premier temps, ma question, est-ce que vous pourriez nous rappeler d'où vient l'idée d'une année internationale des coopératives et de ce sommet-là? Oui, une mise en contexte. C'est-à-dire que dans le contexte actuel international où on constate que l'économie rencontre des ratées importantes et puis les différentes crises qui traversent la société, autant crise financière, crise écologique, même crise des valeurs, l'Organisation des Nations Unies, soit 193 pays, ont décidé de proclamer l'année internationale des coopératives pour 2012. L'idée étant que dans un monde où les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres vont en s'accentuant constamment, on doit s'assurer de promouvoir des modèles qui permettent justement une redistribution équitable des richesses, tant entre les pays qu'entre les groupes de la société, qu'à l'intérieur même des pays, entre les régions. Donc, voilà essentiellement, pour l'ONU, c'était davantage la lutte à la pauvreté, quoique les coopératives permettent un enrichissement, permettent, en plus de l'insertion sociale des plus démunis ou encore des territoires plus en difficulté, les coopératives permettent aussi de changer le monde. Wow! C'était un beau message que vous nous envoyez. Donc, coopérative, changer le monde. Et peut-être, avant d'en parler davantage de ça, j'aimerais que vous nous parliez de votre organisme. Oui. Oui, donc, parce que juste le rappeler, vous êtes directrice, un petit moment que je retrouve, directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Donc, qu'est-ce que c'est? Et quel est un peu son rôle dans notre société? Bon, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, son nom le dit, c'est au niveau québécois, regroupe des regroupements de fédérations de coopératives dans 14 secteurs différents. Ça peut être la Fédération des coopératives forestières, des scolaires, la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé, la Fédération des jardins, qui est aussi membre chez nous, dont d'ailleurs la présidente du conseil d'administration est Mme Leroux cette année. Et puis, on en a 14, des coopératives alimentaires. On regroupe aussi une fédération des coopératives de développement régional, qui sont des organisations qui accompagnent les promoteurs dans la mise en place de leurs coopératives dans toutes les régions du Québec. Donc, dans le fond, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est une organisation de troisième niveau. On regroupe des regroupements. Et puis, ces regroupements-là sont aussi en lien avec les coopératives sur le territoire. Il y a un des principes coopératifs qui dit que les coopératives doivent faire de l'intercoopération, l'idée étant d'être soutenues pour justement mieux se développer et arrimer nos interventions entre nous et respecter aussi, arriver à respecter et à concrétiser les valeurs coopératives qui sont liées à l'égalité, la démocratie et puis également dans une perspective de développement. Donc, pour mission du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, évidemment, toute la question de la représentation, représenter le mouvement coopératif au Québec, mais également la question de développement social et économique du Québec par le moyen des coopératives, c'est essentiellement notre mission. Alors, vous devez pas mal être sollicité. On a beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup d'enjeux, parce que on aborde la société dans le sens global des choses. Les coopératives sont partout. Au Québec, la coopération, c'est C'est un phénomène unique en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs... Faut le rappeler? Oui, oui, oui, c'est important. On a 3300 coopératives au Québec, 92 000 emplois. Des membres des coopératives, ben écoutez, qui n'est pas membre de Desjardins et ceux qui ne le sont pas, je vous invite à l'être. C'est sûr, mais si on exclut Desjardins, parce qu'il y a quand même 8 millions de membres, là. Mm-hmm. Mais si on exclut Desjardins, ça donne 1,2 million de membres de toutes, de coopératives de toutes sortes. Dans la province, là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Puis sur votre site aussi, on apprend que le thème de l'année internationale des coopératives est « Les coopératives, les entreprises pour un monde meilleur ». Oui. Donc, un peu… Donc, en quoi les coopératives contribuent-elles à l'avènement d'un monde meilleur? Bon, d'une part, les coopératives, on comprend que ce sont des entreprises qui créent de la richesse, mais elles ne créent pas de la richesse dans l'objectif de faire des profits comme une compagnie à capital action où les actionnaires possèdent une partie de l'entreprise et puis et reçoivent des revenus en fonction des profits réalisés par la compagnie. Une coopérative, c'est que les profits sont redistribués de façon équitable en fonction du nombre de membres et en fonction de certains critères que les membres eux-mêmes auront établis. Donc, un monde meilleur dans le sens de moins de pauvreté, une meilleure redistribution des richesses entre les gens, et puis également pour construire une économie qui repose sur la démocratie. Vous savez, Madame Valérie, qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale, il y en a beaucoup, de la démocratie, et puis je pense que c'est important d'en parler. La démocratie dans le sens où, dans une coopérative, c'est un membre, un vote, et tout le monde, chaque personne a un droit de parole et un droit de s'exprimer, mais aussi de voter. Donc, un pouvoir à l'intérieur de leur entreprise pour décider des orientations à prendre. Alors, chacun peut, justement, comme une espèce de pouvoir, finalement, dans l'entreprise ou dans l'organisation où il travaille. Donc, c'est vraiment, c'est drôlement intéressant comme système ou comme organisation ou comme principe. Je crois qu'on va pouvoir en parler davantage avec Nicole Moreau cet après-midi, pas cet après-midi, mais dans la deuxième partie d'émission, qui justement va nous parler un peu plus de la démocratisation au sein des entreprises. Mais dans le fond, les coopératives offrent ça quand on est travailleur, quand on travaille dans une coopérative. Mais en fait, les coopératives permettent d'humaniser l'économie. Mm-hmm. C'est pas tant... D'une part, le capitalisme, c'est une chose... le marché économique, c'en est une autre, et les gens font souvent pas la distinction. On associe l'entreprise à quelque chose qui va conduire à une exploitation de la personne, alors que c'est pas ça. C'est que l'entrepreneuriat, ça peut être positif dans la mesure où l'argent sert de moyen pour atteindre des objectifs humains et non pas l'inverse. Dans une compagnie à capital action, le but, c'est le profit et l'objectif, c'est de vendre des biens, des services pour finalement faire de ces profits-là. Donc, nous, on inverse la logique, c'est-à-dire que c'est de répondre aux besoins des êtres humains, la logique de la coopérative. Et ça, il faut le garder constamment à l'esprit. Donc, voir l'économie autrement, de façon plus humaine. Absolument. Et c'est le fait aussi que Québec, dans le fond, on reçoit le Sommet international 2012 des coopératives. Est-ce que c'est pas là une sorte de reconnaissance? Bon, en fait, c'est pas tant une reconnaissance qu'un leadership. Okay. C'est que le sommet international des coopératives, qui s'appelle l'étonnant pouvoir des coopératives, se tient au Centre des congrès à Lévis et au Centre des congrès à Québec. Nous recevons l'ensemble des grandes coopératives et des petites et des moyennes coopératives sont invitées dans un grand sommet. L'idée a débuté avec Madame Leroux qui, à un moment donné, a dit « Ah, on va inviter les 300 plus grandes coopératives. » Il y a eu des discussions, des débats. Puis finalement, on a dit « Ben non, on va inviter l'ensemble des coopératives du monde entier pour discuter des enjeux qui nous attendent, pour discuter de la place des coopératives dans le monde, pour évidemment établir des réseaux d'entreprises. » On comprend que ce sont aussi des entreprises, mais aussi pour voir comment on le fait et ensemble. Oui, puis ça a dû vraiment demander beaucoup de planification, là, donc... C'est un travail de labeur. c'est un gros travail. C'est sûr que le sommet en tant que tel est une organisation autonome, okay. là. Mm-hmm. Et puis, évidemment, il y a une programmation. J'invite les gens à aller voir sur le site Internet Sommet international des coopératives à Lévis et Québec. Ils vont tomber tout de suite sur l'accueil du site. Donc, il y a des... Tous les pays y sont. Il y a des grands conférenciers qui vont y être du 8 au 12 octobre prochain. Il va y avoir plein d'activités autour de ça. Les fédérations sectorielles au Québec font aussi des forums internationaux. Les coopératives de santé, les forestières, les coopératives funéraires, les coopératives de travailleurs, donc le regroupement. Donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'activités qui vont se faire en même temps. Et pour avoir accès à ça, est-ce qu'on doit débourser? Est-ce qu'il y a un montant? Oui, il y a un montant d'inscription, évidemment. Il s'agit d'aller voir selon les catégories Parfait. Dans lesquelles vous vous situez. Parfait. Et peut-être, donc, deux dernières questions avant de terminer. L'étonnant pouvoir des coopératives, donc, c'est le thème, cette année, du Sommet international. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, que ce pouvoir est sous-estimé ici et ailleurs dans le monde? Il est effectivement sous-estimé beaucoup. Peu publicisé, peu... Ben, écoutez, le bras arraché, là, ça intéresse les médias actuellement. C'est ça qui vend. Les idées qui vendent, c'est les idées qui sont simples et qui ont une certaine... c'est des idées chocs. Les coopératives, c'est des laborieux. C'est des gens qui travaillent au sein de leur entreprise à construire une économie plus juste et plus équitable. Et puis, ça concerne pas le bras arraché. C'est dû au quotidien. Et puis, les médias s'intéressent davantage au drame et au psychodrame. Donc, je pense que quand on arrive pour créer une nouvelle, ça nous intéresse pas d'affadir, de rendre fade. Mais dans le fond, c'est très, très, très intéressant, là, ce phénomène-là des coopératives, de le comprendre, de pouvoir participer. Donc, c'est possible de créer, de se partir en entreprise et de fond, sous forme de coopérative. Absolument. Absolument. Il y a un potentiel au niveau des coopératives. Savez-vous que les coopératives ont une durée de vie deux fois plus importante que les entreprises à capital action, là. Intéressant, et ça. Puis mm-hmm. que les coopératives ensemble, dans le monde, créent plus d'emplois que les multinationales. Soyons, c'est clair, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui se fait par les gens dans leur coopérative qui travaillent en réseau à se soutenir, parce qu'un réseau, ça soutient, hein. Oui, oui, oui. De là, l'importance de la pérennité des coopératives, puis aussi de l'encadrement législatif qui est exigeant, mais qui permet justement d'avoir une longue vie aux coopératives. Donc, une forme d'entraide aussi, puis les gens qui travaillent en coopérative, donc, peuvent vivre de ça aussi, là. Oui, oui, oui, financièrement, là, je veux dire, on a des grandes coopératives, la Coop fédérée, Desjardins, on a des moyennes avec les coopératives scolaires qui sont quand même... et puis, les coopératives d'habitation très présentes au Québec. Puis, évidemment, comme n'importe quelle entreprise, quand tu commences une coopérative, ben tu commences petit. Donc, ils sont plus fragiles. Dans les nouveaux secteurs aussi, ils sont plus fragiles. Il faut qu'ils prennent leur place. Maintenant, le fait d'être en réseau fait en sorte qu'ils sont soutenus quand ils ont de la misère. Alors, en terminant, pouvez-vous nous parler comme brièvement de la campagne « Je coop » ? Bon, « Je coop », c'est un concept qu'on a amené au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Ça a commencé, dans le fond, à Montréal, parce qu'on a fait une intervention plus spécifique à Montréal. Et puis, actuellement, on fait le tour du Québec dans 6 grandes municipalités pour que les maires de chacune de ces municipalités signent la déclaration. C'est une grande déclaration. Et qu'ils adhèrent finalement à toutes les valeurs et à tout au mouvement coopératif pour dire nous partageons les objectifs d'égalité, de solidarité, de démocratie du mouvement coopératif et ils signent. Alors, merci infiniment de votre passage à notre émission, Madame Brassard. Alors, pour nos éditeurs qui veulent en savoir plus, alors je vous invite à vous rendre au site Internet, donc www.coopquebec.coop. Alors, donc je rappelle que Marie-Joëlle Brassard est directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Alors, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci. Au plaisir de vous revoir. Alors, je me tourne maintenant vers notre réalisatrice Michèle Monette. Bonjour, Michèle. Bonjour. Alors, comment s'est passé votre été? Vous vous doutez bien, Valérie, comme beaucoup de nos auditeurs, elle a été très politique l'été. Oui, tout à fait. C'est un été magnifique quand même, il faut souligner en passant. Oui, et on n'a pas chômé. Non, on n'a pas chômé, pas du tout. Et justement, avec en parlant d'été politique, c'est le retour de l'éditorial de Claude Vaillancourt. Quelle belle nouvelle! Oui, qui est président d'Attaque Québec. Claude nous envoie chaque semaine un éditorial de 2-3 minutes. Et vous doutez bien, celui de cette semaine porte sur les résultats des élections. Alors, on l'écoute. On l'écoute. Le résultat des dernières élections au Québec s'entoure d'un certain mystère. Vous avez un parti, le Parti libéral, qui atteint des sommets d'impopularité, qui est usé par 8 années de pouvoir, qui est associé à de nombreux scandales de corruption, qui a très mal négocié la crise étudiante, qui a choisi de mettre de l'huile sur le feu plutôt que de la régler, qui a voté une loi profondément antidémocratique, qui n'a pas su protéger la langue française et qui a favorisé l'anglicisation dans la région de Montréal. Et pourtant, plutôt que de subir une déconfiture, ce parti arrive presque à égalité avec le Parti québécois vainqueur. Seulement 0,7% de voix de différence. Alors, on peut se poser la question, les Québécois sont-ils tombés sur la tête? On peut chercher toutes sortes de raisons à ce surprenant phénomène. Les Québécois ont une peur maladive des référendums, ce sur quoi se tablait Jean Charest avec habileté. Jean Charest a bel et bien réussi à effrayer la population en démonisant la rue et en parlant sans cesse de violence et d'intimidation. Les médias, principalement à droite ou même à l'extrême droite, ont bel et bien influencé la population en leur faveur. On peut dire aussi que la faiblesse et le peu de popularité de Pauline Marois à la tête du Parti québécois n'a pas tellement aidé. On peut parler de la fameuse division du vote à gauche. Et peut-être aussi on peut se poser la question, mais les Québécois sont-ils masochistes? Aucune de ces raisons, ni même l'ensemble de ces raisons, ne semble parfaitement expliquer le comportement peu rationnel des Québécois. Malgré tout, il faut souligner une importante victoire. Le PQ a tenu compte des revendications du mouvement social, par exemple par l'annulation de la taxe santé, de la hausse des droits de scolarité, des hausses à Hydro-Québec et par l'établissement d'une fiscalité progressive. Mais tout ça est très fragile par la position de gouvernement minoritaire et on peut se demander s'ils vont arriver à faire tout ça. Alors, on peut se poser la question, comment entrevoir l'avenir alors? On peut voir l'avenir en noir, dire que les libéraux vont se trouver un chef plus populaire. On pense à Philippe Pouillard, malgré toutes ses compromissions avec le secteur privé. Après un an ou deux de gouvernement minoritaire péquiste, les libéraux reprennent le pouvoir. Et avec leur appui indéfectible chez les anglophones et chez certaines communautés culturelles, ils s'installent pour de bon au pouvoir au Québec. On se retrouve avec un parti unique et une démocratie profondément affaiblie. Tout ça fait peur, bien sûr, mais on peut voir l'avenir en rose aussi. On peut dire que le printemps érable a créé une nouvelle mobilisation dont les effets seront à long terme. Il ne faut pas s'attendre à ce que tant d'idées nouvelles se répercutent immédiatement dans l'électorat. Les partis de gauche, peut-être, seront travaillés ensemble plutôt que de s'affronter. Et la population va comprendre les effets positifs des mesures progressistes sur leur vie et vont s'ouvrir davantage aux idées nouvelles. Il faut l'espérer. Chose certaine, il ne faut pas s'endormir ni perdre notre motivation. Les batailles qui s'en viennent seront difficiles et elles risquent de prendre à nouveau beaucoup de notre temps et de notre énergie. Alors voilà, c'était Claude Vaillancourt. Fort, fort intéressant, fort stimulant son éditorial, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Ah, voilà. OK, voilà. Alors oui, tout à fait. Peut-être qu'il y aura un retour des casseroles. Ah, sait-on jamais, sait-on. Mais, s'il ne faut pas dormir. Oui, effectivement, oui. Mais il va y avoir une manifestation le 22 septembre, en tout cas, ça c'est certain. Ah, alors peut-être on va pouvoir en parler davantage. Oui. Et est-ce que vous aviez autre chose à annoncer aux auditeurs? Oui, brièvement, je peux déjà annoncer d'avance ce qui s'en vient dans les deux prochaines semaines. Ah, la oui. semaine prochaine, nous aurons, vous vous rappelez de Yannick Marcil? Tout à fait. Vous avez parlé d'une belle initiative en théâtre pour jeunes à Montréal. La semaine prochaine, il va venir nous parler d'une nouvelle revue web qui s'appelle « Nous autres ». Et l'autre semaine, nous aurons notre ami Alain Deneau qui va nous parler des paradis sous terre. Pardon, des paradis? Des paradis sous terre. Eh oui, il y a les paradis fiscaux sur terre et les paradis sous terre. Alors, on ça a... risque d'être fort intéressant. Oui. L'ouvrage est... C'est un ouvrage qui est lancé ces jours-ci et il va nous en parler le 29 septembre. Je présume des révélations, encore une fois, étonnantes. Tout à fait, tout à fait. Et la semaine prochaine, j'ai oublié de le mentionner, nous aurons aussi Monsieur Plion, qui est le président du Conseil scientifique d'Attaque France. On a une entrevue avec lui qu'on a fait au mois d'août, fin août, et on va présenter cette entrevue. Alors, j'ai bien hâte de les retrouver. Oui. Et un merci à Claude Vaillancourt, encore une fois, pour son magnifique édito. Oui, tout à fait. C'était vraiment... effectivement, c'était des élections qui ont été chaudement disputées. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir suivre tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Et on va sûrement s'intéresser à des questions qui vont justement être l'objet de tractations entre les partis politiques. Toute la question de la fiscalité, la question du budget, aussi la question de la retraite. Enfin, plein de questions qu'on va pouvoir discuter. Oui, en espérant que ça unit finalement la population au lieu de la diviser. Oui, oui, effectivement, on a malheureusement eu trop tendance dans les derniers mois à diviser la population et là, on va s'organiser pour qu'on soit davantage unis, comme vous le dites. Merci, Michel. Alors, on se quitte le temps d'une quelques publicités et on revient tout de suite après avec Nicole Moreau et sa chronique sur l'économie sociale. À tout de suite! Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Le dimanche de 13h à 14h30, CKRL vous invite à faire un détour par Les Routes Enchantées. Cette émission est une présentation de la librairie La Feuille Enchantée, spécialisée en santé au naturel, spiritualité et écologie. Dans une atmosphère calme et sereine, vous y retrouverez livres, thé, pierres, cristaux, encens, tarot, en plus de la musique Nouvel Âge, de méditation et de relaxation. Partagez un moment de détente au 770 rue Saint-Jean et venez découvrir ou redécouvrir La Feuille Enchantée. 522-1234. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Avijam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avijam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avijam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avijam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avijam.com. Vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1. Valérie Blouin au microphone et c'est Nicole Moreau qui est avec nous pour la deuxième partie d'émission. Bonjour Nicole. Bonjour. Oui, alors je crois que tu vas continuer à traiter d'économie sociale cette année. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Et pour ta première chronique, cette nouvelle saison, alors de quel sujet vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, avant de commencer, je voudrais dire que j'espère que tout le monde à l'écoute, vous avez passé un super bel été. Et vous dire que je voulais revenir sur certains des principes à l'origine des entreprises d'économie sociale, voir comment ceux-ci peuvent trouver une application concrète dans la réalité quotidienne de la vie des travailleurs de ces organisations. Alors, oui, c'est un de tes sujets un de tes sujets de prédilection, je crois. Puis, à quel principe te réfères-tu au juste? D'abord, au fait que les entreprises d'économie sociale intègrent dans leur statut et leur façon de faire un processus de prise de décision démocratique impliquant aussi les usagers et les usagères. Ensuite, au fait que les entreprises d'économie sociale défendent la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des surplus et revenus. Alors, processus de décision démocratique, un peu de ce qu'on parlait tout à l'heure avec Mme Brassard, avec les coopératives. Tout à fait. Puis primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des surplus et revenus. Donc, c'est les principes. Donc, de base. Comment ces deux principes-là, ils se concrétisent dans la réalité de tous les jours, dans ce type d'entreprise? Comment ça se vit? Alors, d'abord, il faut dire que, excusez-moi, la prise de décision démocratique suppose une gestion du travail différente de ce qui se passe dans les autres organisations. Cela suppose des défis, aussi bien pour les gestionnaires des entreprises que pour les travailleurs dans leurs pratiques quotidiennes respectives. Ah oui, j'imagine. Hein? Et je suppose que, est-ce que ça existe des outils qui sont justement destinés à supporter ce mode de fonctionnement qui est différent? Ben oui, ça existe. Il y a plusieurs guides qui ont été élaborés par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, sur la gestion des ressources humaines, par exemple, mais aussi sur la gouvernance démocratique ou la gestion financière. Alors, c'est intéressant que des guides aient été élaborés là, par ce comité-là. Et par rapport à la gouvernance démocratique, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui s'intéresse au partage du pouvoir dans toutes les organisations, dans toute organisation, donc la gouvernance, qu'elle soit publique, privée ou associative. Un mode de gouvernance démocratique, ça se veut adapté aux entreprises d'économie sociale, puisque fondé sur un principe de démocratie. Alors, qu'est-ce que ça suppose, par exemple? Que tous les acteurs participent à la prise de décision. Alors, c'est pas simple. La démocratie en exercice, il peut y avoir des problèmes. Et c'est normal dans toute organisation. Tout ça, il y en a déjà des problèmes dans toute organisation. Absolument. Alors, le comité sectoriel a inclus dans sa boîte à outils sur la gouvernance beaucoup d'informations pratiques sur le fonctionnement spécifique des entreprises d'économie sociale. Alors, quels sont les défis à relever pour plus de démocratie? Démocratie. Je m'accroche dans les mots. Il y en a plusieurs. La définition du projet collectif d'abord. Alors, un projet collectif, ben, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un projet collectif, c'est la mission, les valeurs et les pratiques de l'organisation. Concrètement, ça veut dire que c'est l'histoire, ça veut dire aussi les projets, les productions et les traditions de l'organisation. Dans le fond, ça correspond à ce qui permet de vivre ensemble. Et également, je suppose, de travailler ensemble. Normalement. vous parliez de plusieurs défis. Mis à part la dimension du projet collectif, quel serait un autre défi? Il s'agit plutôt de la perception de certaines personnes salariées des organisations envers les membres. Ceux-ci, ils peuvent être à la fois des clients et des personnes administratrices. Donc, les deux à la fois, c'est oui. Ça? Okay. Oui. La perception des salariés peut influencer les pratiques démocratiques. Avez-vous quelques exemples à nous donner pour mieux illustrer cette situation-là? Oui. Pour certaines entreprises d'économie sociale, les membres peuvent être dans le besoin et en manque de liens sociaux. Ils peuvent également se sentir exclus et vivre dans une grande pauvreté. Si les salariés doivent soutenir les membres, il peut s'avérer difficile de les considérer comme collègues dans la prise de décision. C'est sûr. Mm-hmm. C'est pas évident. C'est un bel objectif. Les pratiques démocratiques des organisations doivent être réinventées pour permettre un partage de pouvoir entre tous les acteurs concernés au sein de l'organisation, donc. Personne salariée, administratrice et membre. Alors, si on considère que les problèmes sociaux tendent à se révéler de plus en plus complexes, et il y en a hein, dans notre société. Tout à fait. On dirait que ça va pas. On dirait que ça augmente, malheureusement. Est-ce qu'il y a là un défi particulier pour les entreprises d'économie sociale? Plusieurs organisations peuvent miser sur des services donnés par des salariés, mais de plus en plus diplômés. Les membres des conseils d'administration représentent alors de moins en moins les personnes qui constituent l'organisation, qui sont remplacées par des experts ou des expertes. Les structures démocratiques, que sont l'Assemblée générale et le conseil d'administration, peuvent perdre leur pouvoir et leurs sens devenant plutôt des lieux de consultation où on entérine le travail des salariés. C'est ça, les rôles sont vraiment différents. Là. Le conseil d'administration, comme d'habitude, c'est lui qui a le pouvoir exécutif ou des décisions. Là. Donc oui. Là, là, c'est comme différent. Moins clair, oui. Effectivement. Ça fait que donc la pratique démocratique est moins évidente dans ce sens-là. Oui, oui, mais c'est ça, dans le fond, on redéfinit les rôles. Oui. C'est intéressant. Et puis comment ça, donc, ces structures-là, donc, ils peuvent se concrétiser comme obstacle à des pratiques démocratiques? Bien, dans certaines organisations, pour devenir membre du conseil d'administration, il faut répondre à des critères liés à la compétence et à l'expertise, ce qui peut empêcher la participation de certaines catégories de personnes évoluant dans les entreprises d'économie sociale. Et donc, on y revient sur influer sur la gouvernance démocratique. Et est-ce que pour certains, des pratiques démocratiques, ça pourrait être vu comme, dans le fond, une chose de plus à faire ou une surcharge? Ou... Tout à fait. Ah, oui. On peut voir la mise sur pied de pratiques comme un des fondements sur lequel repose l'intervention auprès des membres. quand je disais ça, c'est que c'est un plus par rapport à ce qui se passe dans d'autres types d'organisations. Alors, quand la démocratie est vue comme l'une des raisons d'être d'une organisation, tout est prétexte à son apprentissage. Cependant, offrir des lieux de pouvoir et accroître la démocratie au sein d'une organisation suppose un engagement. Accompagner des personnes qui font l'objet de discrimination, qui sont aux prises avec des difficultés importantes et qui n'ont pas eu l'occasion d'acquérir des habiletés de prise de parole, par exemple, requiert du temps et de la patience. Oui, du soutien, hein? Probablement. Les gens ont à apprendre ça aussi, là. Oui. À exprimer leurs idées aussi. Puis, oui. J'imagine que dans ces organisations-là, des fois, les points de vue sont différents. Donc, c'est ça, la concertation, c'est long. Oui. Et la démocratie, ça suppose du temps et de la patience. Et aussi d'accepter le point de vue qui peut être différent de l'autre. Là. Tout à fait, hein? Parce qu'il y a toujours des avantages à aller voir ce qu'il y a comme plus dans le point de vue de l'autre. Oui, exactement. Alors, pour les organisations, c'est donc le défi, c'est d'offrir un lieu d'expérimentation qui permettra, si on résume, l'émergence de la démocratie. Tout en faisant de l'argent. Tout en faisant de l'argent. Donc, de façon, c'est ça, de l'économie autrement, disons, plus humaine, si on veut. Plus humaine. Et en bref, quelles sont les principales caractéristiques d'un tel mode de gestion? Donc, C'est un mode de gestion qui favorise l'égalité plutôt que la hiérarchie. Qu'on est habitué. Tout à fait. Tout le monde est habitué à fonctionner comme ça dans le milieu du travail. Mais on commence comme ça à l'école. Tout à fait. Le prof versus les élèves. La participation plutôt que la centralisation, ça va avec. L'autonomie, l'initiative et la créativité plutôt que la subordination et le contrôle. C'est beau. J'aime vraiment ce mode de gestion. C'est vraiment les beaux principes et quoi les entreprises devraient tendre. C'est la théorie. Oui, on va voir la prochaine fois, au début d'octobre, des exemples pour illustrer ça. Donc, exemple concret de comment ça se passe. Dans des entreprises d'économie sociale. Ça va être intéressant aussi, hein? Et prochaine question, la gouvernance démocratique. Donc, qui est proposé justement dans ce mode de gestion-là, est-ce que ça répond adéquatement aux besoins et attentes de la vie associative? Donc, les gens qui sont mis ensemble pour... Bien, si je me fie au document que j'ai consulté, ça semble être le cas. Ah oui? Oui. Belle nouvelle. Oui, dans le sens où la régulation dans les prises de décision qui sont le résultat de la confrontation des intérêts dont on parlait, là, des différents acteurs... Donc, ça permet cette régulation-là. Ça permet aussi l'amélioration de la communication entre les membres par la mise en place de procédures d'échange, de concertation et de délibération. Donc, j'imagine que quand il y a quelque chose qu'ils ne font pas leur affaire, il y a une place justement pour que ça soit dit, exprimé. Normalement, oui. Okay. Soit Assemblée générale, soit Conseil d'administration. Ça permet l'amélioration de la mobilisation des membres autour de la mission de l'organisation. Ça permet... L'augmentation de la motivation des membres à s'impliquer dans l'organisation. Non! Voyons, c'est pas possible! Si on tient compte de ton point de vue, normalement, tu vas être plus motivé. Oui, c'est sûr. Le développement de la capacité d'agir des membres dans l'organisation. Alors, plus on tient compte de ton point de vue, plus tu vas avoir, t'es susceptible d'avoir des bonnes idées. La prise en compte des environnements externes et internes par la mise en place de procédures de planification stratégique et d'évaluation des actions engagées. Vraiment, oui, très, très, très intéressant, ça, ce, dans le fond, les résultats, ce que ça peut amener. Les résultats attendus d'une gouvernance démocratique. Exactement. Et puis, quand tu mentionnais tout à l'heure la mission d'organisation, est-ce que tu voulais préciser un peu davantage ce à quoi tu réfères? Ça fait référence à la raison d'être de l'organisation. Mm-hmm. À titre d'exemple, un centre de la petite enfance, un CPE, offre des services de garde, une entreprise d'insertion, un milieu d'apprentissage plus particulièrement destiné à des jeunes qui trouvent là une voie différente d'apprendre un métier et devenir autonome par la suite. Oui, alors vraiment très, très, très intéressant. On va, donc je suis en compagnie de Nicole Moreau, qui est notre chroniqueuse sur l'économie sociale et aujourd'hui davantage sur les gouvernances démocratiques au sein d'entreprises à vocation sociale. On va prendre, on va aller entendre une petite chanson. Donc, on nous a proposé aujourd'hui DJ Horg. Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est à peu près ça. À peu près ça. Donc, dans le remix du Tintamarre, loi 78. Alors, on revient tout de suite après cette chanson. Voilà, c'était DJ Horg dans le remix du Tintamarre, loi 78. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? J'imagine que ceux qui étaient à Montréal et qui ont vécu ça, ici à Québec aussi, mais je pense qu'à Montréal, il y avait un petit peu plus de gens qui sont sortis avec les casseroles, quoique à Québec aussi, mais voilà. Alors, ça nous rappelle plein de souvenirs. Et alors, juste quelques mots sur cette pièce. Ça fait partie d'une compilation intitulée « Printemps érable ». Qu'on peut se procurer gratuitement sur Internet. Alors, c'est le 1er juillet 2012 que ifopfranco.com, donc, je répète, ifopfranco.com, en collaboration avec DJ Horg, a présenté son tout nouveau projet musical Printemps érable. Alors, c'est ça, c'est inspiré des capsules vidéo qui présentent des artistes et de la scène hip-hop québécoise se positionnant contre la hausse des frais de scolarité afin de mettre sur pied un projet de compilation portant sur la crise sociale actuelle. Alors, nous allons vous fournir sur notre blog legraindesableqc.org l'adresse pour vous procurer cette compilation. Alors, vous êtes toujours au Grain de Sable et vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Alors, sur les ondes de CKRL 89.1, l'émission qui suit s'intitule « Contes de fées » et elle est animée par Olivia Vu. Et je vous invite à rester à l'écoute à compter 13h. Et je veux juste vous le dire, là, à 2h, je reprends la barre du micro, donc de 2 à 4 avec la nouvelle émission « Que Calor » avec de la musique latine. Alors, vous passez l'après-midi avec nous. Voilà. Mais en attendant, nous sommes toujours en compagnie de Nicole Moreau, avec qui on se demandait si la gouvernance démocratique proposée répond adéquatement aux besoins et attentes de la vie associative. Alors, ça semble très, très, très positif selon ce que tu nous as dit avant cette chanson. Alors, parmi les éléments qui semblent aller dans ce sens, tu nous parlais également de la planification stratégique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Bien, la planification stratégique, c'est un, dans le fond, là, succinctement, c'est un exercice que tous les acteurs de l'organisation font ensemble pour savoir quel pourrait être l'objectif de développement sur une période donnée, mettons 5 ans, par exemple. Alors, ça suppose de voir les forces sur lesquelles miser à l'interne, les caractéristiques de l'environnement dans lequel fonctionne l'entreprise, ce qui pourrait devenir un obstacle à l'atteinte de l'objectif dans certains cas, aussi bien à l'interne, par exemple, possible qu'il y ait un besoin de formation additionnelle pour certains des membres de l'organisation, qu'à l'externe, on pense notamment à la concurrence ou à des besoins de soutien financier supplémentaires. Alors, si je comprends bien, c'est vraiment une planification stratégique à long terme. Et Revue annuellement, normalement. Ah, d'accord. Oui, mais pour faire des ajustements. Là. Oui, ça n'a pas besoin d'être formalisé dans un grand méchant texte, mais il faut que tout le monde soit conscient de ça. Donc, ce que Madame aussi Brassard, Marie-Joëlle Brassard nous disait, qui est directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, elle disait que dans le fond, les coopératives pouvait exister comme 2 fois plus que des... Oui. Donc, coopérative, c'est une entreprise à vocation sociale avec une gouvernance démocratique, existe 2 fois plus longtemps que des multinationales, entre autres. Le taux de survie des coops est beaucoup meilleur à long terme que le taux de survie des autres entreprises, effectivement. C'est intéressant de savoir aussi que cette planification-là, donc, tient compte du long terme. En principe, les autres entreprises font de la planification stratégique, mais il n'y a pas de gouvernance démocratique. Oui. C'est peut-être un élément intéressant. Oui, à ajouter. Mais ça resterait des hypothèses à vérifier. Bien sûr. Alors, c'est donc un plan dans lequel tous, donc, quand on fait partie de ce type d'entreprise-là, tous les gens, tous les acteurs, tous les membres vont devoir s'engager au terme de l'exercice. C'est bien ça? Oui, on peut effectivement le voir comme ça, mais soulignons que ce plan doit être découpé, donc, comme je le disais tantôt, en période plus courte, être revu pour réajuster le tir. Parce qu'on peut prévoir, mais toutes sortes de choses arrivent. Plein de crises. Tout à fait. Alors, ça signifie donc que tous peuvent s'exprimer aussi sur le sujet, que les commentaires doivent être pris en compte au moment où le plan est réajusté. Donc, il y a vraiment des moments précis pour le faire. Normalement, oui, et j'imagine, mais ça, c'est une hypothèse personnelle, que ça doit se faire au moment d'une assemblée générale annuelle. Alors, vous allez pouvoir le vérifier pour nous dans les prochaines émissions, dans les prochaines chroniques. Là. Oui, absolument. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en avait... on avait quelque chose à dire là-dessus? Oui, effectivement. Quand il s'agit de gouvernance démocratique, chacun se voit engagé dans la production de l'organisation, mais chacun aussi peut faire sa propre analyse du fonctionnement de l'organisation. Au moment où on revoit les objectifs annuellement, ou parfois, dépendamment des crises, ça peut être fait plus rapidement qu'on pensait. Et donc, faire son analyse non seulement du fonctionnement, mais des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment intéressant là, comme façon de faire et comme instrument aussi, cette planification stratégique-là à long terme. Est-ce que c'est facilement accessible? En fait, la boîte à outils qui recouvre là, l'ensemble de la chronique est accessible sur le site du comité sectoriel de main-d'œuvre. L'adresse pourrait être mise là, sur le blog. Le blog, oui. Ça serait intéressant. Mais oui. Si dans le fond, l'acronyme, c'est le CSMO ESAC. ESAC. Oui. CSMO ESAC. Oui. Donc, Comité sectoriel de main-d'œuvre, économie sociale et action communautaire. Wow! Alors, le site Internet, c'est www.csmoesac.qc.ca. Et puis, en dernier lieu, je voudrais dire qu'il existe plusieurs autres outils sur ce site. Gestion des ressources humaines, gestion financière, attraction et rétention des travailleurs expérimentés, donc généralement les 50 ans ou plus. Et qui sont donc importants dans une entreprise, je trouve, avec tout leur bagage d'expérience, de savoir. Oui, puis il faut dire que les entreprises d'économie sociale sont nombreuses, à l'instar d'autres PME, à éprouver des difficultés de recrutement. Le bassin des travailleurs expérimentés n'apparaît pas négligeable pour combler ces besoins-là dans les entreprises d'économie sociale. Alors, c'est déjà tout. Merci, Nicole. Tout à fait, toujours très intéressant. On en apprend toujours. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, mais moi, j'adore. Alors, je me retourne maintenant vers Michel. Et donc, on est déjà rendu un peu à la conclusion de cette émission. Et qu'est-ce qui est à surveiller dans les prochains jours? Madame Brassard le signalait tantôt, c'est la Journée internationale de la démocratie. Bien oui. Alors, j'ai pas vu quoi que ce soit ici à Québec, mais je sais qu'à la place Émilie-Gamelin à Montréal, il y a une activité aujourd'hui qui va avoir lieu et qui va souligner cette Journée internationale de la démocratie. C'est le mouvement MDN, le mouvement pour la démocratie nouvelle qui a initié cette... C'est un mouvement qui se bat, qui lutte pour avoir un système davantage proportionnel, en fait, qui reflète davantage les choix des électeurs et qui a organisé cette activité. Ça a lieu à compter de 14h, donc tantôt pour les gens de Montréal qui nous écouteraient, de 14h à 16h, c'est au parc Émilie-Gamelin à Montréal. Alors il y a beaucoup de... Il va y avoir Luc Merville, il va y avoir Tania Contoyani, il va y avoir l'économiste Yannick Marcil, justement, qu'on reçoit la semaine prochaine, va être là. Alors ça va être fort intéressant là, pour les auditeurs. Tout à fait, pour les gens de Montréal. Et sinon, ici, il y a quelque chose que je voudrais signaler ici à Québec. C'est l'anniversaire d'Occupy Wall Street qui va être célébré à la place de l'Université du Québec le 17 septembre à compter de 18h. Alors, c'est un pique-nique du peuple. Alors, les gens qui ont... Vous pouvez évidemment amener vos casseroles et vos cuillères, mais les gens qui ont... Les musiciens, là, si vous avez des talents musicaux, rendez-vous avec votre instrument de musique. Non, votre instrument de oui, musique. Oui, d'accord. Votre guitare, votre flûte, enfin, peu importe. Instrument et casserole. Et voilà, exactement. Donc, ça risque d'être fort intéressant, cette activité. Et voilà, ça conclut pour tout ça. On pourrait... Je vais remercier, juste avant de conclure, peut-être prendre le temps de remercier toute l'équipe. Un grand merci à toi, Michel, pour la réalisation de cette émission et la poursuite de cette émission. Vraiment, je suis choyée avec cette équipe, je vous le dis. Un grand merci à Nicole Moreau pour Chronique sur l'économie sociale et qui nous partage sa passion. Alors, toujours aussi intéressant et percutante. Un grand merci à notre invitée du jour, Marie-Joëlle Brassard, directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération, de la mutualité, qui, elle aussi, est venue nous parler de sa passion. Et donc, voilà, je vous rappelle, pour ma part, surveillez également les bulletins d'Attaque Québec. Vous pouvez recevoir l'infolettre pour avoir le résumé des activités et les prochains dossiers que l'on va traiter. Donc, il va en avoir cet automne. Soyez-en assurés. Un grand merci également à Claude Vaillancourt pour son édito, donc président d'Attaque Québec. Nous sommes en balado-diffusion. Donc, je le dis, vous pouvez partager la bonne nouvelle. Donc, allez sur notre site de CKRL 89.1, allez dans l'onglet « Programmation » et vous allez voir samedi midi le grain de sable. Et voilà, un tour de clic et c'est joué. Et donc, voilà, vous pouvez aller voir notre blog également, legraindesable.qc.org, également notre page Facebook et on a également un compte Twitter. Alors, voilà, je vous attends la semaine prochaine, samedi midi, donc pour une nouvelle édition. Et d'ici là, on se laisse sur une musique, une chanson. Oui, quelques notes de Massilia Sound System. Il y a des fois, on aime beaucoup ce groupe ici au Grain de Sable. Alors, on se laisse là-dessus. Alors, c'est un groupe de reggae français d'expression occitane, fondé à Marseille en 1984. Voilà, on les écoute. Alors, à la semaine prochaine! Aïe, c'est cousine. Il y a des fois que il y a des gens qui, il y a des cas ou des événements dont on se souviendra toujours. De ses tout premiers jeux, de ses jours malheureux, de son premier tarpé, des copains de quartier et de son premier amour.